sûr de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Vous êtes bien sur RKB pour Hind à Brezonek. Comme d'habitude, on commence par Gario Arvué, l'émission 372, Trihandau Zegatriuget. Et alors, aujourd'hui, pour les guerriers hors vue, et là, j'ai pensé parler d'un mot qu'on entend de temps en temps, et surtout sous une autre forme d'ailleurs. C'est le mot trélate. Trélate, qui est un mot masculin qui signifie le transport, le transfert. Donc, un trélate, hein, c'est A-N l'article, hein, puisque c'est un T. Hein. Donc, un trélate, c'est le transport. Alors c'est un mot qui est pas forcément très courant, mais qui va certainement le devenir, hein, puisque on va être amené à l'utiliser souvent. Alors il a parfois un sens extrême, hein, de délire aussi. C'est un transport, mais dans un sens mental un petit peu, quoi. Hein. Voilà. Et donc ça a donné sur cette racine là, ça a donné un verbe qui est trélatant. Trélatant qui veut dire transporter. Et c'est un verbe qui est un emprunt, en fait, à l'ancien français, qui était tréslaté, et qui voulait dire transporter ou transférer. D'ailleurs, ça ressemble à translation, hein, en mathématiques, hein. Donc, tréslaté, eh bien, un verbe qui n'existe plus en français. Et donc, trélatant, donc, transporter, déplacer, transférer. Voilà. Et donc, le participe passé est trélatet. Alors ça, c'est plus connu, hein, puisque trélatet, c'est transporter, mais c'est en même temps trélatet qui est bouleversé, qui est rendu fou en quelque sorte. Mm-hmm. Trélatet des bêtes gansées, hein. Par exemple, quand on apprend une mauvaise nouvelle, hein, trélatet, on entend souvent ça, hein, trélatet. Donc, on dit aussi parfois zodet, hein, zodet, c'est rendu fou, quoi. Mais trélatet, c'était vraiment très fort, quoi. C'est transporté, bouleversé, voilà. Alors, on a aussi un mot qui est plutôt un néologisme, hein, qui est trélateur ou trélatour, qui est le traducteur, hein, qui pour une langue, c'est un transfert. Donc d'une langue dans une autre. Par contre, pour le verbe, hein, qui signifie traduire, on dit traîne. Hein. Mm-hmm. Traîne de Brezhoneg, on dra scrive d'ingalag. Hein. On traduit en breton, on tourne en breton ce qui est écrit en français. Alors il y a aussi un trélatus, hein, quelque chose qui est transportant ou qui est troublant, hein, qui a tendance à transporter les gens. Dans un autre monde un peu, un trélatus. Hein. Alors cette racine tré qu'on trouve en français et en breton d'ailleurs, elle a souvent une image de déplacement. Hein. Mm-hmm. Par exemple, trémen, hein, trémen qui est passé, c'est le préfixe tré et men, ça vient de monet qui est devenu monte, hein, ensuite, hein, qui est verbe aller, quoi. Donc passer devant quelque chose, hein. Mmh. Et on va trouver souvent cette racine là, quoi, hein, pour évoquer un mouvement, hein. Mmh. Par exemple, il y a aussi trépasse, hein, qui est donc l'union du préfixe tré et de passe, hein, qui veut dire un pas, hein, c'est un vieux mot français qui a été adopté en breton pour dire, par exemple, un couloir, un passage, hein, une trépasse, hein, un couloir. Alors, ce qui est amusant, c'est que le mot est resté en français dans un autre sens. Il y a le trépas, passer de vie à trépas, c'est pas la même chose. Hein. C'est une forme de couloir aussi, une forme de passage, mais en breton, ça a pris un sens, c'est un sens en fait plus près du sens initial, qui est resté et qui, en français, a gardé un sens religieux, qui est aussi un sens de passage. Hein. Hein, traverser la cloison qui nous sépare de l'au-delà, en fait. Mm-hmm. Et ben voilà, c'est pas la peine d'être trélaté par ça, hein, pas ce bout de trélate, quand j'ai. Bopet, et puis voilà pour ce mot trélat. Merci Henri, on passe à la deuxième partie d'émission, Brezhoneg t'en m'attend. Alors Henri, on va où aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on retourne à Zandtolk et on va écouter les vœux de la mairesse, donc devant ses concitoyens, comme chaque année. Et donc on est allé et avant de boire un coup, on a enregistré la mairesse. D'accord, Mike Herméné. Mike Herméné. Tout Zandtolk m'a mignonne. Qu'elles obligent d'urmeus au tigemer honor, bantiker et vidor blanévé. Blavzmat et la rondar tout. Vite ur blanévé, ur bla d'auville trise. Blavzmat dere a zo au chom oman, boapel zo, a dere zo neved erud bazantolek. Blavzmat d'an tadou koz, d'an mamiou goz, d'an tadou a der mamiou de vugale, dere yomank, dere goz, a dere zo trendau. Blavzmat de labourer yon douar. D'an dut wao micha, a d'an dut oa oleve. Blavzmat d'astrolaiou zo pa de bla o labourat evit lakad bue bazantolek. Kalz labour zo begret boe warlon oa renchou zantolek a babourk. Ur postiou tredon babourk zo be ten kuit a pel ker ore bourk bremañ. Ba bla d'auvil trizek vo gret nebetor labourio. Oa l'air vo gwelet. Bremañ, ma peswan Tosset de Zendol, evit chak al an tambouet, hag evan un banar evit ur blanévé. Blavzmat an ol. Et on reprend phrase à phrase ce dialogue des vœux 2013 de Mike Herméné. Herméné, qu'est-ce que je raconte? De Mike Herméné, la mairesse de Zandtolk. Il y a pas mal de mairesses dans le canton. Hein. Oui. Calac, Zandtolk, Pounévé-Quintin. Guingamp aussi. Guingamp. C'est plus grand que le canton, mais oui, il y en a pas mal. Ouais, ouais. Ouais. On est assez féministe par ici. Ouais. D'accord. Voilà. Alors, tu de Zandtolk, me mignonne. Oui, Jean de Zandtolk, mes amis. Qu'elles obligent à dire, meus, au Tegemer, à Rennor, Bantiker, Vidar Blanévé. Voilà, j'ai beaucoup de plaisir. Hein, qu'elles obligent à dire, meus. Otigemar Hanor Bantiker, à vous recevoir dans la mairie, hein, un ticker à la mairie, pour la nouvelle. Ar Blanévé. Blavezman à la Randor, tout vidar Blanévé. Ar Blavez, d'Auil Trezek. Donc, voilà, je vous dis Blavezman à tous, pour la nouvelle année, donc l'année 2013. Blavezman d'Ariazo Chom Oman Bouepelzo. Voilà. Alors, bonne année à ceux qui habitent ici depuis longtemps. Le fond de la population. Voilà. Hein. Adare neve erued, bazantolek. Adare neve erued, hein, et aux nouveaux arrivants, donc à Zantolek. Blavezmat don tadoukos, darmamoukos. Alors, bonne année au grand-père, aux grand-mères. Don tadou et darmamou. Aux pères et aux mères. Darvugale. Aux enfants. Dare yuan. Aux jeunes. Dare gos. Aux vieux. Adare zotrendo. Et à ceux qui sont entre les deux, oui. Parce que souvent, il y a le club des jeunes, le club des vieux, mais ceux qui sont entre les deux, il n'y a rien, quoi. Alors, il les signale quand même. D'accord. Blavezmat da la bourrerienne douar. Voilà. Alors, bonne année aux agriculteurs, aux paysans. Hein. Dans dut war wisher. Aux gens qui sont sur leur métier, c'est-à-dire un peu tout le monde, hein, finalement, en dehors des agriculteurs, qui ont un état autant qu'un métier. Hein. Ah, dans dut war olev. Et aux gens en retraite. Dut war olev et les gens sur leur rente. Hein. Voilà. Blavezmat d'astrolage. Alors, bonne année aux associations. Azopadar bla ou la bourrat vid la 4 bué ba Zantolok. Oui, qui travaille toute l'année pour animer Zantolok. La 4 bué et un maître de la vie. Hein. Voilà. Kals à la bourre, azo begret, boué war lene war un chou Zantolok. Oui, alors, comme tous les maires, bien sûr, après, elles passent au bilan. Hein. Donc, un peu d'autosatisfaction. Voilà. Et beaucoup de travail a été fait l'année dernière sur les routes de Zantolok. À Babourg. Et dans le bourg. Arpot. Postu trédan de Babourg, azobe tenet cuite. Voilà. Appel Keror et Arbouk pour vraiment. Voilà. Donc, les poteaux électriques dans le bourg ont été enlevés. Donc, on appelle ça l'effacement des réseaux, hein. Voilà. Et le bourg est beaucoup plus joli maintenant. Appel Keror et Bourg vraiment. Voilà. Babla au Dauville Trézec, Vaugret, Neubetor à la Bourio. Voilà. Alors, dans l'année 2013, on fera moins de travaux. Ne betor laborio. Hein, c'est l'année, la dernière année du mandat, donc, bon. Les gens, ils aiment bien quand il y a des travaux, puis en même temps, ils aiment pas. Oui, puis, Et puis là, après, quand il y a les travaux, ils aiment pas. Oui, puis là, les caisses commencent à être un peu vides, donc, il va falloir, recharger, hein. Ah oui. Waller, vos guélet. Waller, vos guélet, hein, ça, c'est l'échéance électorale de 2014, hein. Ah oui, ça sera après, partout pareil. Hein. Voilà. Vraiment, ma peusrant, tosteig d'un dôle, vite chacal un temps boued, à guévar banar, vidar blaneve. Voilà. Alors maintenant, si vous le voulez, approchez-vous de la table pour, alors chacal un temps boued, hein. Chacal, c'est mâcher, hein, mais là, il y a un peu, une petite pointe d'humour, hein, pour manger un peu, et puis, et vos bancs, hein, et boire un coup. Alors, banar, hein, souvent, on dit, ici, on dit banar, hein. Plus court, hein. Mais on dit bonnard aussi, hein. Et vidor blanévé pour la nouvelle année. Blaves maternol. Blaves maternol, bonne année à tous. troisième partie d'émission, c'est Thierry Petra Zone Vervro. Petra Zone Vervro, calze drau et velsius boer vejdi ouzan. Krogom de diantan et vel custum, gandela bourdouar hag vu et war armez. Krogma de ur blad o viltris eg bremañ, hag eo blad tremenet eus o warm l'air. Krog e deja un dejou de hir ad un tamm, hag mondoran war zu un eve amzer. Matrezen, vo amzer yi in c'hoaz, a skorn a er matrezen, med memestra mondoran war zu un eve amzer, a ben daou vizan me vo echu ur gwan kalet bopret. Kal ze gude nou evo, pi yon komz de ze labour douar, kal ze gude nou evo, e blam an c'hoaz war dach en e labour douar. Un DL, oa manifestadeg, hein, ba naunet, manifestadeg za verien lonet, evit goul vefebe de inga le gwellar en zikour yo ver roet gant ur pak, aver roet muor de re ar a eet, serialie en galak, vit de rezo sevel lonet. A goul ur agn eze evel just gant bro Europa dreistol, zo labourad war dachen ur pag de zon, ur pag neve. Der mat velard ur pag neve, met, chanche an trou. War dachen ur labour dou ar oaz, goulet zo bet o naose evit lambik breiz, evel zo non vid o halvados, ba bro Normandie. Hag or gevridigez zo hoborze, a zo bekrou et vize, strolad ur seite germinik, galeg association des 17 hermines. Evit kaz war rog ur aktres. Am ave otret ze gant nien nao, nao sez vo le laket war pem departement breiz istorel, de la rede vo Liger Atlantel bajeu. Skrivet zo bet an ur mod resiz, hein, pez vo red ober evit kaou de nao se. Kaier hargou, hein, velard, hein, kaier des charges in galak. Pe sa mod vo dibab de naval, pe sa mod vo kasse de goe, pe sa mod vo gret de lambik. Hag dis vo kavet lambik gant de naose breiz. War ma mestachen an tamm, ur gevridig ez zo un dro de dinan a mordu de la pomme, un eus laket war dro de ba dinan pez ve gret ur pol fruitier, evit studiant a brudan, frouez breiz, Dreisto ou en aval ou evel just. Hag ur strol alze, un eus digor un evesso, lerien war roi dat. Setu vo moyen don de vel, pez ve gret gante war dachen frouez hag un aval ou dreisto. Bon dom un tom war dachen un ekonomi eus. Diez amanch ou zo ur mar eman gant un liziri. Pudur bremañ e hat framme d'ar post, hag dreistol ur mod de zibab liziri. A bremañ ve kas tout de liziri de zibab da c'hoazan. Ma peusoan de gaz o lizer deus don den a zo chom taldar, eiei o lizer bet a c'hoazan rog don oa igiz. O, pe oa igiz. Hag gwezhel evel just pe vije da skouer pe vije kas don lizer de spurut don denel de spurut, nek den lizer me bet a larion a. Dont de du stud de hier. Vraiment, on va casser de roison, à ta de burul ou à l'air. À zéro, 30 km d'or, hein, vide au nord, vejo. À gazézo, et vel juste, calze, énergie, dispille de vivement de bénéfine. Mais dis seulement un trop, vraiment. À que, voilà, que pésamo de vos grades, mais de zézo dit ce chambre aux urois, hein, bon, à cet uso autant beaucoup des nous vraiment dans le lisirio là qu'on on tend madame zorvej au dor osro puis on comme de lisir hier comme je vais cal zermar et mande de un internet divin uel au débit petron malroise de gal pesvelard une galag très haut débit un dibune ultré ag un traunin qui va clair tant me beloirzé puis dur l'air vr de raster là de vos graines en drasé quand leur stalio réseau CRR en ganzé elle veut juste l'air de ce que de tiemme de air de rester là de vos graines quand strola de Parisiou à quand de Parisiou à 10 heures et bower vos power of roas 10 heures bête vraiment on va encaper sans mot de vos graines mais lui une bas des intros marrément dans mon temps voir wardash ne zivina dur de dian temps wardash en brezon nek ne ce que belzo wabid Vincent Payon le ministre de discadure sta de Brace et vide de Combs de Zirac 13 et vide d'un disque à dureuse, à vide de Scolio. À Goulzo Begantan, Petras ou Neve ou Ardache en Orbrezon, il répond, je vois, ne se disque, c'est clair, ne voir une labune là-bas ou un affaire. Plus dur, ne se l'art trop, Bénéfine, Zolu et Loire, ouais. Père Maille, président de Cusul Général Pen Orbit, Zobit Pels Claire, or, il répond, je dans Gazette en Ouest-France, Nevesso, Neuslaret, Krakastrak, et évitant, en prison de Goriez, de Zenambs en Draménet, Goriez marre déjà, puis Hunter marre, bon, ben, hag, de d'aller que de bois, n'obère, strivou, et vidrei de bu, et d'ayadari. Hag, evel juste, dit pite de bras, et bit, calz, dut, de zo labour, adouar, d'achen, en prison, gant, homjouzen. Évitez, évitez d'un dut sur la bourre à doir en braison, donc, bah, département de Pénorbit, et, entre les belles justes, n'est que dans braison, donc, on droit de l'ac à de, bah, nos mirdi benneket, mais de riez, videsken, vide quand d'arrempris, donc, on a un dudel, entre le business là, et Pierre Maille. Quand je dut de, vel André Lavanant, de Square, ne se casse de Lisirio, hein, André Lavanant ne se casse de Lisir Digour, de Pierre Maille, hag André Lavanant zo bet zoe tre a dipit et gant pez oalar et gant Pierre Maille. Mi virion le nom ke be gwal zoe zen gant ze, jur on kus tu moar de gletra ou sors. Pe ve an av et histor a Jacobinet, bon e hontrol ma me zo vef e be zoe jus klene ti ven ar brezant. Bon, un dant vu an de ze politikour yon breiz vel e bro Franz Hendel, ce Jacobinet, Jacobinet Rup et Jacobinet Gwen, mais Warzy ne ce que Calze Vors, plus dur de ce que Calze Divor, Bénéfine, Trédé. A Govich, Eru, Uloir, War, ce que le Penou Bronze, et Rete dis qu'il y a une Jacobine morte. A Zézo Cause, Véclé de sorte conche au Ganté. Plus dur en compte de ces raisons de grande de l'acad trop sclère en temps vraiment il y a Vipézelar et Pierre Maillard et Ondra fin du soir plus dur ou Abelard est déjà quand Ernest Renan quasi même je conche ni voilà une langue assez vécue à trois à Galar et juste Pézelar a vraiment Pierre Maille avec ses opelzo vous voyez hag o square an el roaz pe oabe kisien de hadzev le nebrag nebrag e ar yez yuzevien lebreu in galak pe oabe kisien d'or de ze ar yez ve ou benefin pe dur nebrag de vijek d'im plij d'au vil lasso be vid a religion hag pe oabe djonj de hadzev le yez vid bo d'im plij vid ar bu e pmd se benefin ou à Bélard, une grande case, j'ai que bien moi, il y a un peu de temps, puis dire, les bras, on y est, c'est un homme sur Dremel. Avec Perugue de la Waller, avec quoi, les vignes plus, j'ai que BMD, un des bras, quand tu, et veulent leur yézel. C'est une moyenne de raser, veulent leur yéz, mameuse, pé, vé, mar, pé, renteur, var, vé, la fée, Pierre Maille. Avec, on dra en de zlar, et de Pierre Maille, case d'or de zlar, mais les filles, Auguste fait ridier, hazé vel ar yez, ar yez bet diskaret. Gouskoudi, ar meskol diou yezeg, nevek ke pe en mur vid ar meskol un yezeg. Hag a vugal e zo barlas ou di yezeg, evel just de goustan ke tier ar vid a vugal e el. Hag an se ne gaf ketin zo ar gud en er an bana farze. Me, petra rid tisseman ar vue. Gouskoudi pe ve komz de ze zevenadur zo trao ave greg me mestra, non que de vous de réduire me mestra on espérait jou da square an der Reihe nebet Squerio. Stahl Kopbreis, des im Bande Neveso, un album, hag eus o Dioblad en Bars, Dio Arben o Huarez et Gwadek, ma trezen peus me klevet se, hag eus o Huarez et Gwadek, Anastasie Ujni a Maivond, hag eus o Bars, ter ar kanawenu de Chilao. Hag on tamm lever zo, vid gant displegadurio, testeni de stud an eus ber an av de Huarez et Gwadek, hag hendel homjou en brezhonek hag en galak. Lansi ma peuswan an de zis ki kanoen ou kanoen gant de Huarez et Gwadek. E ben, e braor, bremañ. Bon, im bandet zo ben neveso levrigel, roi, ou levrig neus ket mant devel gant de Huarez et Gwadek, e gaurig notre ou segain. Tro e di war kontad en Alphonse Daudet gant Loïc Campion. Alphonse Daudet oa skrivet la chef de Monsieur Seguin. Hag im ban e de gant un alar an goustak me c'hwer euro. Hag an se, zon tamm brezon eug de len, dreistol vide vugral e gouskoud e un afer trisoa, un afer gaur an notre ou Seguin. Bon, ne veso vid chom mon an tamm war zon erez, oa belid un daouigen vla strolat kanfar de Rostren, bazal ar gwelio ba Rostren, oa gred ar fez donz, hag vid li danze. Hag ar strolat zo oa bet krouet ba bla daouze gatriugen, gant o neubad kanderien a zonerien des evro. War an dach en el, bremañ, war an dach de cinéma, film René Vautier di war ben Brezel en Algérie, avoir 20 ans dans les Aurès. Eus o bet c'hal nevezet, nevezo, c'hal nevezet eus skedenou hag ur zon, hag ur René Vautier, oa zo e krou ur film zon, eus laret oa bet zo et bras, o fel pegen bra oa deux de film, bremañ, ala eus laret oa dispar, labour oa begrel oa un dro d'ur film zon. Hag bon, bromenz o vo moyen pudur, film zo oa diven a mont de velnan pa appel, bromenz o vo moyen d'un dud velnan. Bon, kal zo dra ou vefe bet de la roaz, met de gwell ran e tram le namzor, hag ben a vejel vo la roaz, hag ken a vo la ram dar, chilo e a yen ar kabe, tien ar vejel. Keno eri.